إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc le point numéro 10 le chef dit من منهج السلف الرد على المخالف ça veut dire parmi le manhaj des choses qui font parmi les choses qui font partie de la voie des salaf leur manhaj c'est de réfuter les opposants d'accord ça ça fait partie de leur manhaj le chef il dit en bas de page il dit وهو أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة يعدونه من باب النصيحة وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على هذا الأصل وهو الرد على المخالف ولمزيد من التفصيل في هذا الباب هو الرد على المخالف ينظر في الكتاب القيم الموسوم منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله والكتاب القيم للدكتور أبو بكر أبو زيد الرد على المخالف في أصول الإسلام Le chef il dit que ça c'est un fondement qui a été établi dans Ahl al-Sunnah al-Jama'ah et on le compte dans le chapitre ou dans la catégorie de al-Nasiha. Ça fait partie de al-Nasiha, c'est-à-dire le bon conseil de faire la réfutation et de répondre aux opposants, aux gens qui s'opposent au Coran et à la Sunnah. Et ça, ça a été établi par le Coran et par la Sunnah et par l'Ijma, c'est-à-dire le consensus de la Ummah. Que ce fondement-là fait partie de l'islam et c'est-à-dire de réfuter les gens qui s'opposent à la Sunna et au Coran. Il dit, et celui qui désire avoir plus de détails là-dessus, au sujet de cette question-là, il peut retourner au livre qui s'appelle La voix des gens de Ahl Sunna al-Jama'a dans la réfutation ou dans la critique des hommes, des livres et des groupes. Hein? Ça c'est un bon livre écrit par le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali qui explique réellement bien la position d'Ahl al-Sunnah vis-à-vis de la réfutation des gens de Bid'a. Et le livre également écrit par Bakr Abou Zayd qui s'appelle Ar-Rad al-Mukhalif min Usul al-Islam. C'est un autre livre qui explique ce principe-là. Donc le Cheikh dit « Wa inna innahu min al-mutaqarrar inda a'immat al-salaf rahimahumullah ar-Rad al-Mukhalif » وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية أو كان المخالف من أهل البدعة. Le chef il dit, c'est un principe qui est établi selon أهل السنة, selon les imams de Salaf, رحمهم الله, qu'Allah leur fasse miséricorde, de réciter les gens qui ont contredit le Coran et la Sunna, qu'ils soient que ces gens-là qui ont contredit soient parmi Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ou qu'ils font partie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, hein, comme ceux par exemple qui ont contredit au sujet d'une question de fiqh ou une question de croyance, aqida, hein, ou bien qu'ils soient parmi les gens de Bid'ah. Donc qu'ils soient parmi Ahl al-Sunnah ou qu'ils soient parmi Ahl al-Bid'ah, ça fait partie des fondements d'Ahl al-Sunnah qu'il faut le réfuter et montrer l'erreur qu'il a fait. Le cheikh dit وَلَا يَلْزِمُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُخَالِفِ ذِكْرُ حَسَنَاتِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Et il n'est pas nécessaire qu'on mentionne, lorsqu'on récite une personne, de mentionner tout le bien que la personne, que la personne qu'on refuse a fait, ou bien de faire l'équilibre entre les biens et les bonnes actions et les mauvaises actions qu'elle a fait. Le chef il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les croyants et a mentionné et n'a pas mentionné leur faute, et il a blâmé les mécréants et les hypocrites et les pécheurs sans mentionner les bonnes œuvres qu'ils ont fait. Hein, comme on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Comme si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mu'minin dans le Coran, il mentionne uniquement le bien qu'ils font. Hein. Mais ils ne mentionnent pas leurs fautes et leurs péchés, malgré qu'il peut y en avoir parmi les mu'minins qui faisaient des péchés à certains moments. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné ça dans le but de mettre l'importance et la force et la concentration sur l'aspect de la foi et le mérite de la foi. Et montrer que la foi, c'est la plus importante, la plus grande des qualités qu'un homme peut posséder. Tandis qu'il a pas, quand il a parlé des kuffars, hein, il n'a pas mentionné le bien qu'ils ont, même s'ils faisaient des bonnes œuvres également. Parce que le kuffre qu'ils ont, eh ben, il a annulé, c'est comme s'il vient puis il efface tout le bien qu'ils ont pu faire. D'accord? Donc, c'est ça là, c'est comme par exemple, tu prends une piscine, rempli d'eau, et puis jette une goutte d'urine dedans, ça va pas polluer la piscine. Tandis que tu prends une piscine remplie d'urine, et puis jette une goutte d'eau dedans, ça va pas la purifier. Donc c'est ça l'exemple, c'est que les gens de Ahl-Sunnah, les gens qui sont sur la Sunnah, les gens qui sont sur le Tawhid, les mu'minins, eux, même s'ils ont des petites fautes, ça n'enlève pas le bien qu'ils ont pu faire. Tandis que les gens de Kouf et de Nifar et de Fisk, eh bien eux, le bien qu'ils font ne peut pas purifier le problème qu'ils ont dans leur foi et dans leur croyance. Hein. Dans ce cas-là, c'est pour cette raison-là qu'on mentionne uniquement l'erreur qu'ils ont fait dans le but d'avertir les mu'minines. C'est ça que le chef nous dit après. Dans le but d'avertir les autres. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من حسنات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a averti sa umma des gens des passions, des gens de bid'a, sans mentionner le bien qu'ils ont eux-mêmes. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة. Hein, des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a mentionné les défauts de certaines personnes en particulier, sans mentionner rien des bonnes œuvres qu'ils avaient en eux ou des qualités qu'ils avaient en eux, dans le but de donner le bon conseil. Et il mentionne une parole ici qui dit, فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset-là qui dit, c'est lui, Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait descendre le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs, hein, qui sont les fondements du livre, la base du livre. Tandis qu'il y en a d'autres, parmi ces versets-là, qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui prêtent à plusieurs interprétations. Ceux qui ont une maladie dans le cœur, alors ils suivent uniquement les versets qui prêtent à plusieurs interprétations, à cause de la déviation qu'ils ont dans le cœur. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils cherchent la fitna, et ils cherchent à déformer son sens, alors que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les gens qui sont bien ancrés dans la science, qui connaissent la bonne interprétation de ces paroles-là, parce qu'ils ramènent les versets qui ne sont pas clairs, les mutashabihat, ils les ramènent au muhkamat pour les interpréter. Comprends? Il ramène ces versets-là aux versets clairs. Pour comprendre ces versets-là, on les ramène aux versets qui sont clairs, aux bases du livre. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, et les ils disent que nous croyons en tout ce que Allah a fait descendre, et tout ça, ça vient d'Allah, et c'est uniquement les gens qui ont la tête et qui possèdent la raison qui sont capables de se souvenir. Après, donc, c'est comme une introduction que le chef nous donne, et il dit, et il mentionne ces versets-là, et par la suite, le prophète a dit, après, Aïcha a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصة صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Si vous entendez les gens qui recherchent uniquement les versets qui sont pas clairs, alors sachez, ou qui prêtent à plusieurs interprétations, alors sachez que c'est de ceux-là que Allah a parlé, alors prenez garde contre eux. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et également par l'imam muslim. C'est important de comprendre ça parce que il y a des gens maintenant aujourd'hui qui détestent entendre parler d'une critique ou d'une réfutation entre les ulama. Donc par exemple, si un savant a réfuté un autre, eux ils s'énervent et ils se choquent et ils se fâchent et ils vont dire « Ah mais pourquoi les savants ils critiquent? Pourquoi ces gens-là ils critiquent d'autres ?» Hein, et ils comprennent pas, eux, que derrière ça, il y a une grande miséricorde et il y a une grande faveur, dans le sens que c'est par ces récitations-là qu'on est capable, par la suite, de faire paraître la vérité et d'écraser le mensonge et de donner le bon conseil aux mu'minines. Donc, si les ulama, lorsqu'il y a une personne qui fait une erreur ou qui contredit les fondements de l'islam ou les principes d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, eh bien, si les ulama ne disent rien et ne font pas de réfutation et ne clarifient pas les erreurs et les fautes et les bid'ahs, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va dire ce qu'il pense, tout le monde va dire ce qu'il veut et personne va pouvoir être corrigé lorsqu'il fait une erreur et donc tout le monde va être perdu. Donc ces gens-là n'ont pas compris la sagesse et le bien qu'il y a derrière ces raisons-là que les ulama ont établies pour faire les réfutations. Et le chef il dit, لكن إن كان المنتقد من أهل السنة وأخطأه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته وحسناته وتغمر دلاته في نصرته للسنة أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته من كلام شيخ دكتور صالح الفوزان. Donc الشيخ الفوزان il a mis le شيخ a mentionné une parole du شيخ الفوزان pour clarifier cette introduction là et il dit que si la personne qu'on critique fait partie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et que son erreur qu'il a fait est une erreur qui n'a pas rapport avec l'aqida, qui fait pas partie des fondements de Ahl Sunnah, dans ce cas-là, on peut mentionner le bien qu'il fait et cacher le mal qu'il fait parce que il a quand même défendu la sunna, c'est une personne qui est sur la sunna. Tandis que si la personne critiquée est une personne parmi les gens de dalal, c'est-à-dire les gens de bid'ah, qui défendent la bid'ah, dans ce cas-là, il n'est pas permis de mentionner ses bonnes œuvres. Et ça, c'est expliqué par le chef Al-Fawzan. Donc, il faut faire la distinction maintenant. Quand les ulama ils critiquent un savant qui fait partie de Ahl-Sunnah, eh bien souvent ils le critiquent, mais sans utiliser un ton, pour attaquer le savant, ni pour le démasquer ou pour montrer son égarement. Mais il fait juste une critique dans le but de montrer l'erreur et de clarifier la vérité dans ce sens-là, yani. Comprends? Et à lui et aux autres aussi. Mais c'est pas une chose dans laquelle il va y avoir des passions, des accusations, des égarements et des choses comme ça. Comme par exemple, Cheikh Ben Baz, quand il n'était pas d'accord sur certaines questions de fiqh avec Cheikh Al-Albani, il écrivait une réponse pour répondre à Cheikh Al-Albani. Et quand Cheikh Al-Albani n'était pas d'accord avec Cheikh Ben Baz sur un sujet, la même chose, mais ils restent quand même polis et respectueux l'un envers l'autre, et toujours, alhamdulillah, dans l'esprit de ilm et de la critique islamique, dans les règles de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Tandis que quand ils récitent une personne qui suit une bid'a et tout, eh bien parfois ils peuvent utiliser même des termes assez durs, yani, dans, à leur sujet. Yani. Le chef il dit par la suite, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Ça c'est rapporté dans l'introduction de Muslim, par l'imam Muslim, il dit, selon Abi Huraira, رضي الله عنه, qu'il a dit, il y aura vers la fin des temps des gens qui vont vous dire ou qui vont vous raconter des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous, ni vos, ni vos ancêtres. Alors prenez garde à eux et prenez garde à vous-même et prenez garde contre eux. Les hadiths inventés ou aussi des paroles dans la religion que les gens n'ont jamais mentionnées auparavant. Et le chef il dit wa ma'loum an ahl al-bid'a la yakhilluna wa alaykum salam أو لا يخلون من محاسن فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم. Donc le chef ici il dit que c'est clair que les gens de Bid'a ils ont quand même des bonnes qualités, hein? Quand tu vois par exemple un Moubtadi', même si peu importe quel Moubtadi', ils ont quand même des qualités. Et comme par exemple, je vous donne un exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Jahl. Et Abu Jahl, il détestait l'islam et les musulmans, et il combattait toujours l'islam, d'accord? Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il avait aucune bonne action? Hein? Est-ce qu'il était peut-être, il était peut-être généreux envers ses invités? Il avait peut-être un bon comportement envers sa femme? Il avait peut-être des qualités envers ses enfants? Peut-être qu'il... Vous comprenez? Donc, le fait qu'il avait ces qualités-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas mentionné? Hein? Abu Jahl et Abu Lahab, la même chose. Allah a mentionné un verset dans le Coran à propos d'Abu Lahab. Dans toute la Sourah c'est Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalata al-hatab. Fi jibiha hablun min matad. Dans tout ce verset-là, il n'a pas mentionné aucune des bonnes qualités que pouvait avoir Abu Lahab. Pas malgré que, hein, il avait peut-être des bonnes œuvres, des bonnes actions. Hein, les Arabes sont connus pour leur courage, leur générosité, leur hospitalité, et toutes ces choses-là. Mais il n'a rien mentionné de ça. Pourquoi? Parce que c'est un kafir. Et Allah veut mentionner, veut faire, donner une leçon dans le Coran aux hommes de faire comprendre que lorsque tu as le couple, toutes tes œuvres et tout le bien que tu as pu faire n'a aucune valeur et aucune importance. C'est pour ça qu'Allah est donné en Coran. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tout ce qu'il a acquis et tout ce qu'il a fait et tout son argent ne lui sera d'aucune utilité. D'accord? Donc c'est juste un exemple. Hein? Après, il dit, le chef, et il nous a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mentionner les biens qu'ils ont ou de profiter de leurs bonnes qualités. Parce qu'il y en a des gens de bid'a qui disent bon, ok, un tel a des bid'a, il appelle à la bid'a, sauf que dans les questions de la langue arabe ou dans les questions de fiqh, il a beaucoup de connaissances, donc il peut profiter de lui. D'accord? Donc, ils disent ça à qui? Ils disent ça aux musulmans, aux gens ordinaires. Alors, les gens ordinaires, qui ne connaissent pas bien les détails de l'islam, de la charia, quand ils vont retourner à ces livres-là, ils vont lire les livres de cette personne qui a des bid'a, et ils ne vont pas savoir distinguer le vrai du faux dans ses paroles, alors ils vont accepter tout qu'il y a dedans, hein, et ils vont se laisser tromper. C'est comme par exemple les livres de Sayyid Qutb, hein. Il y en a qui disent par exemple, ah mais Sayyid Qutb, il a dit bien dedans, il y a des bonnes choses, d'accord. Subhanallah, sauf que qui est-ce qui est capable de distinguer dans ces livres qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas mal, excepté les ulama de l'islam. Il y a beaucoup d'erreurs dans ces livres-là, beaucoup de gens ordinaires vont les lire, ils vont même pas savoir qu'est-ce qui est pas bon dedans, ils vont pas être capables de le distinguer de qu'est-ce qui est bon. Hein? Alors c'est pour cette raison-là que le mieux c'est d'éviter et d'averser les musulmans contre ces livres-là, dans le but d'éviter que ces musulmans-là tombent dans l'erreur de ces personnes-là, des livres qui sont dans les livres de ces auteurs-là. Et la preuve, c'est que lorsque tu vois que des jeunes ont commencé à s'éduquer et à prendre leur connaissance des livres de ces gens-là, parmi les Hizbiyyins et les Harakiyyins, et ces gens-là comme Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et les autres penseurs, soi-disant penseurs islamiques, parce que le terme penseur, ça n'existe pas dans l'islam, eh bien tu vois tout de suite l'effet de cette éducation-là qu'ils ont pris dans ce livre-là sur leur comportement, sur leur caractère, sur leur attitude, sur leur façon de voir et d'analyser l'islam. Tu vois tout de suite qu'ils ne sont pas sur la voie de l'islam. D'accord? Donc ça prouve tout de suite que quand tu lis dans ce livre-là, même si tu penses que tu vas prendre juste le bien et tu vas éviter le mal, alors là, tu ne vas pas être capable d'arriver à faire trancher clairement les deux. Non, mais c'est sûr qu'on n'a pas le droit de ne pas l'aimer du tout, dans le sens qu'il est musulman et qu'il a quand même la foi en lui, excepté si sa bid'a est une bid'a qui le fait sortir de l'islam, ça c'est autre chose. Mais si c'est une bid'a qui ne le fait pas sortir de l'islam, et que c'est quand même, c'est tout de même un musulman, donc tu dois l'aimer en tant que musulman, tu détestes le mal qu'il a en lui, de sa bid'a, et puis tu l'aimes dans le sens qu'il a dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Mais si par contre c'est un musulman, ou si c'est une personne qui fait une bid'a, mais que sa bid'a est une bid'a de shirk et de kufr, comme par exemple les ahbash qui appellent à adorer autre que Allah et qui nient les noms d'Allah et des choses comme ça, alors dans ce cas-là, ça dépend de la personne. Si c'est une personne qui connaît rien, qui est avec elle, qui suit ce groupe-là, qui connaît rien, alors tu peux lui donner le nasiha, tu lui donnes le conseil et tout ça, et tu l'appelles à la vérité, si la personne accepte, alhamdulillah. Mais si c'est un da'ya, une personne qui est avec eux, qui connaît leur bid'a, qui appelle les gens à la suivre, et tout ça, bon, dans ce cas-là, c'est sûr que tu peux lui mentionner les preuves et tout, puis tu le laisses, par la suite, tu s'obstines, tu ne perds pas ton temps avec, et puis tu vois que la personne est complètement déviée. Voilà, c'est ça. Donc le chef dit, وقال البغوي في شرح هذين الحديثين, l'imam al-Baghawi a dit dans l'explication de ces deux hadiths-là qu'on a mentionnés, قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم, وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه, فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون من شيء بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا, فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق, والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من الدين, فإن هجرة المبتدع أو أهل الأهواء والبدع دائمتان إلى أن يتوبوا. C'est un point intéressant apporté par l'imam al-Baghawi qui parle des deux hadiths, c'est-à-dire les hadiths qui mentionnent la division de la Ummah. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la division de la Ummah et qu'il allait apparaître des gens de bid'a et des gens qui suivent leur passion, et il a donné comme verdict que ceux qui allaient être sauvés parmi ces gens, parmi les musulmans, parmi ces sectes, ce seraient les gens qui ont suivi sa sunna et la sunna de ses sahaba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il dit que le musulman, lorsqu'il voit une personne, qui fait quelque chose qui a rapport avec les bid'a, que ce soit dans les croyances, ou bien qu'il néglige quelque chose de la sunna, le cheikh il dit que c'est obligatoire dans ce cas-là de faire al-hajr, c'est-à-dire de s'éloigner de cette personne et de la couper, c'est-à-dire on se coupe d'elle et il dit on se désavoue de cette personne et de la laisser qu'elle soit vivante ou morte. Le cheikh il dit et on ne donne pas le salam lorsqu'on le rencontre. Et on ne lui répond pas à son salam, celui l'a donné en premier. Et on fait ça avec lui jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'a et qu'il revienne à la vérité. Et alaykoum salam wa rahmatullah. Et l'interdiction qui est rapportée au sujet de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous ne devez pas vous couper ou vous éloigner de vos frères plus de 3 jours. Ça, c'est uniquement dans les conflits qui se sont produits entre 2 personnes dans la question des droits de compagnie, c'est-à-dire les droits de l'amitié entre 2 personnes et tout ça. S'il y a eu une des 2 qui a fait, qui a manqué à ses devoirs, ses droits en tant que frère musulman, là, vous avez une dispute entre vous 2, vous n'avez pas le droit de vous visiter comme vous ne vous parlez pas pendant plus de 3 jours. Sans vous dire salam, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire, 3 jours, c'est la limite que vous pouvez vous écarter ou vous éviter. Et après les 3 jours, c'est obligatoire que vous reveniez ensemble. Par contre, le chef nous dit ça, c'est dans les affaires qui se passent entre 2 frères, comme quand ils ont un conflit dans les choses de la dunya ou des comportements. Mais le chef nous dit, en ce qui concerne les autres aspects qui ont rapport avec les droits de la religion, alors, comme par exemple de faire le hajj pour les gens de bid'a, et bien ça c'est continuel jusqu'à ce qu'ils font le tawba, jusqu'à ce qu'ils fassent le tawba. Hein? Donc les gens qui ont les bid'a et qui continuent à les faire et tout, et bien on les coupe jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et les ulama ils ont mentionné à ce sujet-là également des principes où par exemple ils ont dit si vous pensez que le fait de la couper cette personne et de ne pas lui adresser la parole et de ne pas lui parler du tout, ça va faire en sorte que la personne va s'en aller encore plus vers la bid'a. Alors dans ce cas-là, vous pouvez voir qu'est-ce qui est le mieux pour cette personne. Si vous croyez que le mieux c'est de la couper complètement et que vous pensez qu'en la coupant, ça va la faire se rapprocher plus, parce que parfois, un musulman qui fait une bid'a, si il voit que tu lui adresses plus la parole, que tu lui donnes plus le salam, et quand il te donne le salam, tu ne lui réponds pas, ça l'affecte. Il se sent blessé par ça. Et donc, il revient à la vérité. Mais si tu sens que la personne, ça risque de l'éloigner, dans le sens que, par exemple, Ahlus Sunna sont minoritaires, et les gens de Bid'a sont majoritaires, et que les gens sont plus loin de la Sunna, et que toi, tu vois que la personne, elle penche un peu vers la sunna, sauf que elle risque, si tu la coupes complètement, elle risque de tomber complètement dans la bid'a. Tu regardes, tu finis le jugement. Ou bien tu demandes au ulama, qu'est-ce qu'il pense au sujet de cette personne? Est-ce que c'est mieux de la couper complètement ou bien de continuer à lui parler et à lui donner le salam, etc. Puis là, tu vois après la meilleure position. Sauf qu'il est important de savoir que le fait de faire un hajj pour les gens de bid'a, ça fait partie de la sunna. C'est pas quelque chose qui est en dehors de la sunna. Et il y a l'exemple des 3 qui n'étaient pas sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk. Lorsqu'ils sont partis, il y en a certains parmi les sahaba qui sont restés à Médine. Ils ne sont pas partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Al-Madina, il est revenu de la bataille de Tabouk, il y a beaucoup parmi ces gens-là, qui étaient des munafiqin, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé, de le pardonner, de ne pas être parti. Et parmi ces gens-là, il y en a 3. Eux, ils ont dit, on ne veut pas que tu nous pardonnes, mais on veut que le pardon d'Allah descende à notre sujet. C'est-à-dire, on n'avait pas d'excuse pour pas y aller, on reconnaît notre tort, sauf que on veut que que ce soit Allah qui nous donne la repentance. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces trois-là, pendant, si je ne me trompe pas, c'est pendant 40 jours, ou un nombre de jours, il n'y a personne leur a adressé la parole, même pas leur femme. Hein? C'est-à-dire, personne leur a adressé la parole, personne. Ils priaient avec les musulmans, ils restaient toujours, malgré ça, personne ne les regardait, personne ne leur parlait, ils étaient interdits, les n'avaient pas le droit de leur adresser la parole. Et si vous lisez le hadith au sujet de cette histoire, vous voyez vraiment, c'est très touchant, qu'est-ce qui est arrivé à ces trois sahabis. Mais ça, c'est une preuve que c'est permis pour certaines personnes comme ça, qui ont fait des choses de ce genre, ou bien qui ont fait des hadiths comme ça, de les quitter jusqu'à ce qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à la vérité. Non. Non. Yani, celui-là, comme je te l'ai dit la dernière fois, peut-être tu peux lui donner un cassette, un livre, tu lui parles avant, tu lui expliques comme il faut. Puis après, tu vois sa réaction. Puis après lui avoir donné les clarifications sur ce sujet-là, puis avoir lui donné les preuves, qu'est-ce que les ulama ont dit, qu'est-ce que le prophète sallam a dit là-dessus, qu'est-ce que les sahaba ont dit, qu'est-ce que les tabi'in, les ulama de salaf ont dit, croyez-vous, salafatullah. Puis après ça, il continue à persister à déclarer les ulama de kuffar, ou bien la umma de kuffar, et des choses de ce genre-là. Et bien là, dans ce cas-là, tu lui dis clairement, qu'est-ce que ta position-là, c'est la position des gens de Bid'a. Et puis, à partir de maintenant, je ne vais plus te donner un salat si c'est le cas. C'est comme ça, parce que c'est pas correct ce que tu fais. Non. Demande au frère, il y a beaucoup de livres. Si tu veux, je te fais une photocopie d'un livre à la maison. Si tu vois que la personne connaît bien l'arabe, capable de lire, tu lui donnes, tu m'en donnes. Est-ce que tu peux, Yann? Hein? Le cheikh il dit, « وهذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع أما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة donc ça c'est un hadith, le cheikh il dit, en ce qui concerne, ça c'est en ce qui concerne l'avertissement contre les gens de Bid'a. Et en ce qui concerne le fait de mentionner, ou le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les défauts de certaines personnes, en particulier sans mentionner les biens qu'ils avaient, c'est l'exemple du hadith qui est rapporté selon Aïcha, radiyallahu anha. Dans lequel il a été rapporté qu'un homme, quand il est venu le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il est parti, « Bi'sa akhul ashira » Quelle mauvaise parenté, yani, au sujet de cette personne-là. Et il a dit, yani, les pires personnes sont celles qui tuent, c'est ça le chef il dit. « Qala al-Qurtubi, rahimahullah, fil hadith, wa alaykum salam wa rahmatullah, fil hadith jawazu ghaybatil mu'lim bil fitr » أو الفحش أو نحو ذلك من الزور في الحكم والدعاء إلى البدعة قال النووي وفي الحديث مدارة من اتقى أو من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه donc الإمام القرطبي إلى الدين que dans ce hadith là il y a la permission de parler contre une personne en son absence, lorsque cette personne-là fait ouvertement des péchés. Et lorsqu'elle fait ouvertement des actes de perversité, et qu'on craint, il y a mis à son sujet de l'injustice, hein, ou qu'il appelle à une bid'a ou des choses de ce genre. Alors le chef, l'imam al-Nawawi, il dit, et dans ce hadith-là, il y a la permission d'agir de cette façon-là avec la personne dont on craint le mal, lorsqu'il peut nous faire du mal ou quelque chose de ce genre, et de parler contre lui en son absence s'il fait du péché ouvertement, si on a besoin d'avertir les gens à leur sujet. Donc par exemple, si vous connaissez un musulman qui fait des péchés et tout, puis la personne vient vous voir et vous donne le salam et tout ça, mais vous savez que c'est une personne qui est mauvaise. Donc, pour éviter la fitna, vous l'accueillez avec une attitude normale. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui sont là avec vous, s'il voit que vous êtes bien avec lui, que vous le saluez comme il faut et tout, et que quand la personne part, les gens qui sont autour de vous pourront penser que le fait que vous l'avez salué, c'est une sorte d'approbation de votre part. C'est-à-dire que vous avez testifié que cette personne-là est bien, que vous lui adressez la parole comme si c'était un bon musulman. Alors que vous savez très bien que cette personne-là est une personne croche. Soit qu'elle vole, elle ment, elle vend de la drogue ou des choses comme ça. Donc, dans cette situation-là, quand cette personne-là part, vous pouvez avertir, si vous sentez que c'est nécessaire, avertir les gens qui sont autour du danger que cette personne-là pourrait représenter pour eux. D'accord? Et que c'est pas le fait que vous l'avez salué que ça veut dire que la personne, vous lui faites confiance ou vous lui donnez votre confiance. Parce que les gens pourraient être trompés par des choses de ce genre. Parfois, vous voyez un musulman avec quelqu'un qui est douteux dans son caractère. Vous pouvez avertir la personne qui est avec cette personne-là du mal que cette personne-là, du mal qu'elle fait, dans le but de le prévenir, hein, pour pas que cette personne-là soit trompée. Hein. Imaginez qu'une personne veut faire un commerce avec un autre musulman, puis que ce musulman-là, il a déjà trompé 3 ou 4 personnes auparavant, mais que cette personne qui est avec elle, elle ne connaît pas. Donc, vous le voyez avec cette personne-là qui commence à parler d'affaires et tout ça, vous allez le voir, vous lui dites « Mon frère, je te donne un conseil, cette personne-là, elle a trompé beaucoup de personnes avant, faites attention. C'est pas bon pour toi de faire affaire avec cette personne. » Et ça, c'est ce que l'imam a expliqué, l'imam al-Nawawi, ainsi que l'imam al-Qurtubi et d'autres qui sont parmi nous, l'imam de Ahl al-Sunnah, ont expliqué ça. Après, il dit, comme deuxième exemple, ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان أبا جهل وأبا جهل خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له أنكحي أسامة ولا شك أن للرجلين فضائل ومحاسن ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة لا يتطلب أكثر من ذلك. Donc le chef ici il explique que l'exemple de Fatima bin Qais, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm. C'était deux parmi les sahaba qui ont demandé sa main pour la demander en mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par la suite donné certains défauts de ces personnes-là dans le but de lui donner le bon conseil pour qu'elle soit capable de faire un meilleur choix en ce qui concerne lequel d'entre ces deux-là elle devait choisir comme époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne Abu Jahl, lui, il ne laisse pas son bâton de son épaule, c'est-à-dire il frappe ses femmes. En ce qui concerne Muawiya, il est pauvre et il n'a pas d'argent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, épouse Usama ibn Zayd. Elle l'a conseillé d'épouser Usama ibn Zayd. Et dans la suite de ce hadith, elle a dit, mais moi, la femme a dit, mais j'ai pas envie d'épouser Usama ibn Zayd. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, puis elle a fini par se marier avec Usama, et Allah a mis entre eux beaucoup de barakas. Donc, alhamdoulilah. Et ça, c'est un exemple. Le chef, il dit, il n'y a pas de doute que ces deux hommes-là, parmi les sahaba, avaient beaucoup de mérite et beaucoup de bonnes qualités. Malgré ça, le moment, c'est le moment de nasiha, et de donner le bon conseil. Et donc, ce n'était pas nécessaire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de commencer à mentionner et à citer toutes les qualités de ces deux sahaba-là. D'accord? Parce que l'important dans ce moment-là, pour cette femme, c'est pas de connaître toutes les qualités de ces deux hommes-là, puisque peut-être qu'elle les connaît déjà. Hein? Ce sont deux grands sahabis, et le bien qu'ils ont, la plupart des gens le connaissent. Qu'est-ce qu'elle a besoin de connaître, cette femme? C'est de connaître certaines des choses, des défauts que ces hommes-là possèdent, pour qu'elle soit mise en, déjà en garde. Si elle se marie avec eux, elle va déjà être au courant. Elle va savoir, elle va faire un choix en se basant sur une compréhension et une connaissance qui est claire. Hein? Donc si une femme ou un homme demande au sujet d'une femme, ou une femme demande au sujet d'un homme dans les questions de mariage, il ne faut pas hésiter, ou il ne faut pas se gêner dans le but de donner le bon conseil pour cette personne-là, de lui mentionner les fautes ou les défauts de la personne en question, pour que la personne soit mise en garde. Parce que imaginez par exemple, vous connaissez un musulman, et puis une femme demande, est-ce que vous me conseillez de me marier avec ce musulman-là? Il m'a demandé en mariage. Et vous savez plein de défauts à son sujet, mais vous mentionnez pas ces défauts-là à la femme. Alors, elle se marie, et une fois mariée, là, elle découvre toutes sortes de choses au sujet de cet homme-là, et là, elle vient, elle vous demande, comment ça se fait que vous saviez tout ça à son sujet, puis vous m'avez rien dit? Et là, elle se retrouve dans un paquet de problèmes, un paquet de troubles à cause des défauts de cet homme. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ont négligé, et ça fait en sorte que les musulmans se divorcent par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mis en garde contre les erreurs de certaines personnes auparavant, donc ils se trouvent dans des situations difficiles et ils n'ont pas d'autre solution que malheureusement de tomber dans les questions de divorce ou autre chose de ce genre. Le cheikh il dit un autre exemple aussi, وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك وبالمعروف. Donc, un autre hadith que le chef mentionne, c'est le hadith de Hind ibn Utba. Elle dit que Abu Sufyan, il est un homme qui est avare, et il ne lui donne pas à elle et à son enfant qu'est-ce qu'ils ont besoin pour comme nécessité. Alors, elle dit qu'elle a seulement ce qu'elle réussit à lui prendre, alors qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, elle prend des choses pour se souvenir à elle et son enfant, sans qu'il en ait connaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends ce que tu as besoin, toi et ton enfant, yani, et ça c'est correct. Donc, le cheikh il dit, قال الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة فلم يذكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. Donc, le cheikh il dit que Al-Hafiz ibn Hajar a pris ce hadith-là comme une preuve pour montrer qu'il est permis de mentionner les choses qu'une personne n'aime pas en son absence dans le but de chercher à avoir une fatwa ou dans le but de se plaindre d'une chose, soit à un juge ou quelqu'un de ce genre. Et il dit que c'est un des points dans lequel il est permis de parler en mal d'une personne en son absence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé d'avoir mentionné ces défauts-là de son mari, et il ne lui a pas ordonné de mentionner ses qualités, c'est-à-dire les qualités d'Abu Sufyan, malgré qu'il en avait beaucoup, d'accord. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. الشيخ المصري قال ده ابن تيمية كذي de mentionner les erreurs ou les fautes des rapporteurs de hadith en vérité et de mentionner les bid'a des gens de bid'a est une obligation légale. Et il dit مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين، وإنما إلا تبعا، أما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. Donc c'est ça, ici, le chef l'explique, il dit, comme les imams des gens de Bédaa, et qui, les gens qui ont amené des paroles ou des positions qui sont contraires au Coran et à la Sunna, il est obligatoire de mentionner leur état et d'avertir la Ummah contre eux. Et ça, c'est une obligation selon l'accord de tous les musulmans. Et même qu'on a demandé à l'imam Ahmad, est-ce que c'est mieux pour un homme de jeûner et de prier et de faire les intikaf, ou bien de parler contre les gens de Bédaa? Et l'imam Ahmad a dit, si une personne, elle prie, elle fait l'intikaf, c'est uniquement pour elle-même. Mais si elle parle contre les gens de Bédaa, donc ça c'est pour tous les musulmans, et donc ça c'est meilleur. Donc, Ibn Taymiyyah, il continue et il dit, donc il a clarifié que le bien de ça est général pour tous les musulmans. Et que ça vient, le bien de ça vient, dans la religion, comparable au djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le fait de purifier la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion, et de faire repousser les transgressions de ces gens-là. Et ça, c'est obligatoire à l'al-kifaya. C'est-à-dire, s'il y a un nombre, une portion suffisante des musulmans qui l'ont fait, c'est plus nécessaire pour le reste de le faire, c'est seulement recommandé. Donc le chef il dit, s'il n'y avait pas ces gens-là qui se tiennent sur la religion d'Allah pour repousser les effets négatifs de ces gens-là, les gens de Bid'a, alors toute la religion serait corrompue, parce que tout le monde pourrait inventer et ramener n'importe quoi dans l'islam, et là on ne serait plus capable de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein. On laisse les soufis, on laisse les khawarij, on laisse les mu'tazila, on laisse les ahbash, on laisse toutes les gens de Bid'a parler, et personne ne les arrête, personne ne les réfute, hein. Donc ça, ce serait la corruption de la religion en entier. Et donc le chef il dit que ça, c'est plus grave comme effet négatif que le fait qu'un ennemi étranger prenne le pouvoir et vienne conquérir un état ou un pays musulman, parce que les kuffars, eux, lorsqu'ils viennent dans un pays musulman, eh bien, ils ne commencent pas par corrompre le cœur, mais ils commencent par prendre le territoire, puis par la suite, la corruption vient et ça suit. Tandis que les gens de Bid'a, eux, lorsqu'ils s'établissent, ils commencent directement à corrompre le cœur. Donc ça, c'est plus dangereux encore. Et le chef il dit ensuite « Dawabitun yajibu mura'atuha bin nisbati lil afradi wal jama'at » Il dit « Hadhihi dawabitun tuhadidu man yajibu ihtiramuhum wa ikramuhum min al-bashari fala yajuzu an tamas karamatuhum wa tuhadidu man yajuzu al-kalamu fihim wa naqduhim bal yajibu inda al-haja wal maslaha duna ta'riji » دون تعريض على محاسنهم. On commence à 7h30 à 8h30. Donc dans 2 minutes. À 9h15, ok, d'accord. Ok, on va lire un peu. Donc le chef il dit certains principes et règles qu'on doit prendre en considération lorsqu'on parle des groupes et des individus et des groupes parmi les musulmans. Et il dit que c'est pour clarifier. Par exemple, comment, qui on doit respecter ou qui on doit honorer parmi les hommes et qu'on ne doit pas toucher en rien de leur honneur et de leur noblesse, et qui on doit critiquer et qui on a le droit de parler contre eux et critiquer à nous lorsqu'il y a une nécessité et un bien de le faire. Et il commence, il dit « Awwalan » parmi ceux qu'on doit respecter « Ar-Rasul wal-Anbiya » salawatullahi wa salam wa alayhim ajma'in. Donc premièrement, on doit respecter tous les messagers et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et le salut d'Allah soit sur eux tous. Thaniyan as-sahaba al-kiram ridwanallahi alayhim ajma'in falaysa lahum min al-ummati illa al-hubb wat-tawqir وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعة واعتنى بفضائلهم ومكارمهم كأئمة الإسلام فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة متفق عليه. Donc deuxièmement, qui on doit respecter et aimer et supporter, c'est les sahaba al-kiram, tous les sahaba, et la umma ne doit avoir pour eux que l'amour et le respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a glorifiés et a parlé en bien d'eux dans son livre, et a parlé de leur degré et leur niveau et leur effort et leur jihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ils ont dépensé de leur bien et de leur âme au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a parlé en eux, de eux en bien, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que jama'a, hein, et il a parlé de leur mérite et de leur noblesse, et ainsi que les imams de Ahl Sunna, ils ont tous écrit, ou ils ont en partie écrit des livres pour mentionner les mérites des sahaba et parler des biens qu'ils ont fait et tout, et les écrits à ce sujet-là sont nombreuses. Même dans le Coran, Allah a glorifié, on a mentionné ça en premier. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même interdit de les insulter, et il a dit, n'insultez pas mes compagnons, car celui qui détient mon âme entre ses mains, si un d'entre vous donnait en charité la montagne de Uhud en or, eh bien ça ne pourrait même pas atteindre la poignée d'une main d'un sahaba, ou même la moitié. Ça on a mentionné avant le Maghrib. Donc ils ont un grand mérite sur nous, les sahaba. Et le chef dit « وَقَدْ عُرِفَ مَنْزِلَتُهُمْ مَنْزِلَتُهُمْ وَقَدْ عَرَفَ مَنْزِلَتُهُمْ وَمَنْزِلَتَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ حَفَظُوا عَلَيْهَا أَيُّمَا حِفْظًا وَنَهَوْا عَنِ الْخَوْضِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِي وَمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ بَقِيَةِ الصَّحَابَةِ وَأَثْبَتُوا لَهُمْ أَجْرَ الْمُجْتَهِدِينَ وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. Donc le chef il dit que Ahl al-Sunna wa al-Jama'a ont reconnu et ont connu le niveau des Sahaba, et ils l'ont préservé, et ils l'ont préservé d'une façon yani très claire, et ils ont interdit à toute personne d'entrer dans les débats ou les discussions ou les disputes au sujet de ce qui s'est produit entre Ali et Muawiyah, hein, et de même que au sujet de tous les autres sahaba, qu'est-ce qui a pu se produire entre eux de disputes ou de combats. Alors il est interdit pour nous d'entrer dans ces discussions-là et dans ces débats-là pour essayer de patauger là-dedans. On a par contre établi que ce sont tous des mujtahidoun, c'est-à-dire ce sont tous des grands ulama qui ont atteint le niveau de l'ijtihad, et ils ont fait leur effort pour arriver à atteindre la justice et le bien de la façon qu'ils croyaient être le mieux pour la umma, et même s'ils ont fait une erreur, alhamdulillah, ils ont quand même une récompense dans l'erreur qu'ils ont commise. Donc on ne doit jamais parler entre eux pas, on ne doit jamais parler à leur sujet en mal, peu importe qu'est-ce qui est arrivé entre eux par la suite. Et celui qui parle en mal d'eux, par rapport à qu'est-ce qui s'est produit à cette époque-là, le chef il a dit que les ulama ont décrété à leur sujet que ce sont des gens qui sont des gens qui ont une déviance, un égarement et qui sont sur une forme d'hypocrisie. Et parmi les gens qui ont critiqué les Sahaba et qui parlent contre les Sahaba, on a compté les Khawarij. Parmi eux, il y en a qui ont déclaré certains parmi les Sahaba comme étant des kuffars et qui ont essayé même de combattre les Sahaba. Il y a également les Shi'a qui ont inclus dans les principes de leur religion l'insulte des Sahaba. Donc pour eux, c'est une adoration que d'insulter Abu Bakr et Omar et Othman. Et ils insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que plusieurs d'entre les Sahaba. Et même qu'ils les déclarent comme étant des kuffars. Donc ça c'est la voix des gens de Bid'ah. Également les Mu'tazila. Ils essaient de dénigrer plusieurs parmi les Sahaba. Donc ça c'est la voix des gens de Bid'ah. Tandis que Ahl al-Sunnah al-Jama'ah, on a dit que Ahl al-Sunnah, les Sahaba sont tous udoul. Ils sont tous des gens honnêtes et justes, et même si parmi eux il y en a qui ont commis des fautes, eh bien à cause de leur mérite et du bien qu'ils ont fait, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ces erreurs-là à côté de la montagne de bonnes œuvres qu'ils ont commis, donc qu'ils ont fait. Donc Alhamdulillah Rabbil Alameen, voici la voix de Ahl Sunnah. Après, le Cheikh il dit وثالثاً التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار ثم من بعدهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Donc le chef il dit par la suite, le troisième groupe de ceux qu'on doit honorer et respecter, c'est At-Tabi'un, ceux qui ont suivi les Sahaba en bien, hein, et ceux qui ont, les Tabi'un ce sont qui? Ce sont ceux qui ont connu les Sahaba et qui les ont rencontrés, hein, et qui ont suivi leur guidance, comme par exemple les sept Fuqaha de Al-Madina, et ceux qui ont suivi leur voie parmi tous les autres ulama des autres cités qui n'étaient pas Al-Madina, qui étaient ailleurs, puis ceux qui sont venus par la suite parmi les imams de hadith et les imams du fiqh et du tafsir, et qui ont suivi la même voie que les sahaba et les tabi'in, et qui ont suivi leur méthodologie et dans leur croyance, et comment ils se sont accrochés au Coran et à la Sunna, et comment ils ont évité les bid'ah et les passions, et comment ils ont défendu la vérité et les gens de la vérité jusqu'à notre jour aujourd'hui, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mentionner lorsqu'il a dit qu'il y aura toujours un groupe de sa umma qui seront sur la vérité, qui seront victorieux sur la vérité, et ceux qui les abandonnent ou ceux qui les contredisent ne vont leur nuire en rien jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établi. C'est-à-dire jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier, il y aura toujours un groupe de la Ummah qui sera sur la vérité. Donc il ne faut pas croire qu'à une certaine époque, toute la Ummah a dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pense ça, alors il n'a pas compris réellement l'islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours, à toutes les époques, à tous les endroits, il y aura quand même toujours un groupe de la Ummah qui va être victorieux, qui va être sur la vérité, qui va défendre Al-Haq, qui va défendre le kitab wa sunnah. Et ce sont qui? Ce sont Ahl al-Sunnah al-Jama'ah, Ahl al-Hadith. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen, on va s'arrêter ici, puis on va permettre au frère là qui va faire l'adhan, inshallah, bientôt, pour qu'on commence la salat, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.